Chapitre 10e. Le lendemain matin, comme 9 heures sonnaient à la cathédrale, Langlois se présenta chez Rose. Il avait l'air défait d'un homme qui a passé une pénible nuit de veille, et la vieille Florence ne put s'empêcher de lui accorder un regard de pitié en lui ouvrant la porte du petit salon de la comédienne. « Debout, » fit-il avec étonnement, en s'arrêtant sur le seuil. « Votre billet m'annonce que vous êtes très mal. » La jeune femme lui indiqua un siège en disant sèchement. « Il fallait bien vous faire croire que j'étais malade, sans quoi vous ne seriez pas venu, et j'avais absolument besoin de vous voir. » Langlois fronça les sourcils et resta debout, son chapeau à la main. « Je ne puis pas aller chez vous, n'est-ce pas ? » fit Rose avec une irritation concentrée. « On me mettrait à la porte, si je m'y présentais sous mon nom de théâtre, et sous mon vrai nom je serais prié de revenir à l'heure de la consultation. Je n'ai pas le temps d'attendre. » Le jeune docteur réprima un mouvement de colère. Il avait grande envie de sortir. Un sentiment indéfinissable lui souffla qu'il ne pouvait pas le faire. « Parlez, » dit-il d'une voix brève, « mais hâtez-vous, mes malades d'abord. Et puis ma femme et mon enfant ont besoin de mes soins. Vous êtes père ?» dit Rose avec un léger frémissement. Il inclina la tête. « Un fils ?» Il répéta le même geste. Elle le regarda une seconde, non en hésitant, mais comme pour se recueillir. « Charles, » dit-elle, et sa voix était toute changée par une indicible émotion. « Voulez-vous vous enfuir avec moi ?» Il leva sur elle ses yeux qu'il tenait baissés, mais son regard exprimait moins d'étonnement que de douleur et de regret. « Folie !» dit-il en se détournant. « Vous avez d'étranges idées. Je parle sérieusement. Vous m'aimez ? Ou du moins, vous m'avez aimé ? Je ne vous l'ai jamais dit. » répliqua Langlois en reprenant son empire sur lui-même. « Qu'importe ? Je le sais mieux que si vous me l'aviez répété 1000 fois. Je suis à l'un de ces détours de la route qu'on rencontre de loin en loin dans la vie. Je suis libre aujourd'hui. Je ne le serai peut-être pas demain. Je vous propose une chose sérieuse, répondez. Voulez-vous partir avec moi pour toujours ?» Elle n'avait pas l'air de lui faire une proposition extraordinaire. On eût cru qu'il s'agissait d'un voyage d'agrément. Mais les yeux de Rose jetaient un feu sinistre et ses lèvres minces étaient bleuies par l'émotion. Il la regarda fixement, et leurs regards se croisèrent comme 2 épées. « C'est insensé, » dit-il lentement, « vous le savez aussi bien que moi. »« Fort bien, » répondit-elle en laissant doucement retomber le long de sa robe ses mains qu'elle tenait auparavant jointes devant elle. « Je ne vous retiens plus. » Il s'avança vers elle. « Vous allez faire quelque irrémédiable folie, » lui dit-elle avec inquiétude. « Cher enfant, au nom de l'affection que je vous porte, réfléchissez. De quoi vous mêlez-vous ? » répondit-elle avec hauteur. « Vous m'aimez ? Oh, ne niez pas ! C'est si bête, un homme qui se défend contre l'amour d'une femme. Vous m'aimez ? Vous me l'avez prouvé 10 fois pour une, sans parler de cet incroyable coup de tête par lequel vous m'avez amené ici. Vous m'aimiez quand vous vous êtes marié. Vous m'avez aimé depuis. Si j'avais voulu alors, si j'avais voulu il y a 2 mois, quand vous m'avez amené votre ami juste pour détourner mon attention, ainsi qu'on jette un os à un chien. Dites donc aujourd'hui que vous ne m'aimiez pas alors. » « Et quand cela serait ? » répondit Langlois d'une voix assurée. Il était très pâle, et des gouttelettes de sueur froide perlaient sur son front. « Si j'avais voulu partir dans ce temps-là, vous n'auriez pas refusé de partir. » continua la jeune femme d'un ton de raillerie amère. « J'aurais commis une infamie, » dit le docteur d'un ton calme. « J'ai eu tort, je le reconnais, d'aller vous chercher à Tours. Mais cette folie vous a probablement sauvé la vie. Que j'ai agi en le faisant sous l'empire d'un sentiment plus vif que le devoir professionnel, c'est possible. Mais ce n'est ni à vous ni à moi de le rechercher aujourd'hui. Peut-être alors ne croyais-je pas mal faire. Peut-être aussi n'avais-je pas compris les devoirs que m'imposerait ma situation d'homme marié. De père de famille, » insista Rose d'un ton moqueur. « De père de famille, » répéta Langlois avec fermeté. « Aujourd'hui, j'ai tout compris, et c'est avec l'autorité du médecin, jointe à l'affection de l'ami, que je vous supplie, mademoiselle, de ne pas vous jeter dans quelque aventure où vous ne trouveriez que honte et que chagrin. Je vous remercie de l'intérêt que vous me portez, » dit la jeune femme en inclinant la tête qu'elle releva aussitôt avec orgueil. « N'ayez aucun souci de mes affaires, je saurai en prendre soin. Et quant à la plaisanterie que vous venez de prendre tragique, « une plaisanterie, » interrompit Langlois. « Pensez-vous que ce pût être autre chose ? répondit Rose avec hauteur. « Le moment eût pu être mieux choisi, » répliqua le docteur. « J'ai passé la nuit debout. Veuillez me permettre de me retirer. » Elle acquiesça du geste. Comme il sortait, elle dit d'une voix posée. « J'ai une grosse dette à régler avec vous, docteur. Je ne l'oublie pas. » « Si c'est la question de mes honoraires, » répondit Langlois sur le seuil, « ne vous en occupez pas. Le premier article de journal qui parlera de vous quand vous reparaîtrez sur la scène m'apportera une renommée bien au-dessus de mes désirs. » Il la salua et sortit. Seule, Rose se prit la tête dans ses deux mains. Son orgueil était vaincu, car des larmes roulèrent lentement sur ses joues. « Je l'aimais, » dit-elle tout bas. « Je n'ai vraiment aimé que lui. » « Pourquoi suis-je vivante? Pourquoi ne m'a-t-il pas laissé mourir? Mais il m'aimait. Sans son mariage. » Elle resta les mains jointes, les yeux fixes et brillants, avec une expression mauvaise sur tout son visage devenu rigide.